Malaterre de Pierre-Henri Gaumont. Je vous rappelle donc Grand Prix RTL de la bande dessinée 2018. Merci à toute l'équipe. On se retrouve avec grand plaisir dès demain et on accueille maintenant Julien Courbet. Qui fera peut-être, qui sait, un jour l'objet d'une bande dessinée. C'est un rêve, mais j'ai encore le temps. Qu'en pensez-vous, mon Yves? Mais en attendant, bravo pour Capital. Oui, bravo pour les audiences. C'est incroyable quand même que... On essaye de changer de sujet. Voilà, hein. Vous avez une façon toujours très habile de faire comprendre à tout le monde que ce que je dis n'est pas intéressant. C'est-à-dire que je vous lance sur un sujet qui est la bande dessinée et tout de suite, dites donc bravo pour vos audiences. Enfin, c'est quand même très déplaisant. Alors, je n'étais pas encore intervenu. C'est-à-dire que vous ne saviez même pas de quoi on parlait. C'est dommage. Bravo pour vos audiences. Ah, bah, alors, et la BD. Bon, allez, merci, bonne journée. Dites qui est Supo et Vitoli. Allez, allons enchaîner. Nous avons évidemment beaucoup de choses à régler ce matin. Il y a Stéphanie qui nous dira ceci sur RTL. Je vous appelle des Hauts-de-Seine. Je gère avec ma mère et une amie une épicerie chine-africaine. Une célèbre enseigne de grands magasins nous a commandé pour 2 825 € de produits. Malheureusement, ces produits auraient été perdus et tout le monde se renvoie la balle. Comme c'était pas super clair parce que la ligne n'était pas très très bonne, cette dame nous dit qu'elle a une épicerie, qu'une grande enseigne vient commander des produits dans cette épicerie et si j'ai bien compris, il y aurait un vieil impayé ou en tout cas une erreur dans la livraison. Deuxième cas, c'est celui de Patrick. Je vous appelle des Alpes-Maritimes. Pour nos vacances, j'ai réservé pour ma famille et moi-même un voilier pour lequel j'ai versé une caution de 2 500 €. J'attends depuis cet été qu'elle me soit restituée alors que j'ai rendu ce voilier en parfait état. Deux salles, deux ambiances pour les vacances. Louer un petit bateau ou partir en mobil-home. Yelena. Je vous appelle de l'hiver. J'ai réservé pour un week-end un mobil-home par l'intermédiaire d'un site internet. Selon l'annonce, le mobil-home est propre, lumineux et agréable. Sur place, il est vieux, sale, sombre et pas agréable. Dites-moi les enfants, est-ce que c'est une caméra cachée? Parce que je pense qu'à un moment donné, nous allons faire une réunion à la fin de cette émission pour savoir si nous maintenons ces petites bandes annonces où on ne comprend rien. Le but du jeu est quand même d'appâter un peu en disant « Regardez les beaux cas que nous avons » et nous entendons « Donc on va quand même essayer de jeter un petit coup d'œil à la ligne téléphonique. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme problème cette dame avec son mobil-home, mais elle nous le dira dans quelques instants. Il y a autour de moi, évidemment, Maître Fellono, la Divina, l'incontournable. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien. Bernard Sabat. Bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard que l'on salue. Oh, il y a un petit bobo au ventre. À mon avis, c'est le Jacques Daniel qui n'est pas passé. Il a dû encore essayer de boire la bouteille avec la bouteille. Bref, c'est le 9h30-11h. À tout de suite. Il est tellement pressé qu'il ne les décapsule même plus. Allez, nous allons maintenant accueillir sur l'antenne d'RTL. Je tenais à dire, parce que vous savez qu'on parle beaucoup des gilets jaunes, et bien sûr, c'est pas le but de l'émission, vous en entendez suffisamment parler, de la casse, etc. Mais hier, ils ont été super sympas. Je suis arrivé au péage de Mantes-la-Jolie. Ils étaient là, ils tapaient dans les mains, ils nous expliquaient ce qui se passait, et ils laissaient passer des voitures avec barrière ouverte. Et comme un couillon, j'ai pas enlevé mon truc de télépéage, donc j'ai quand même payé. Donc c'est quand même fou faire. Ben ouais, j'ai pas pensé. Stéphanie, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Ah, ben là, j'entends quand même quelqu'un qui parle bien. Stéphanie, expliquez aux auditeurs d'RTL votre mésaventure, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, nous, on fait de l'épicerie fine africaine, donc on vend des produits tartinables. Des produits tartinables, c'est ça ? Exactement. D'accord. Ouais. Donc, qui servent autour de l'apéritif. On a signé, donc, super contente, on a signé avec une grande enseigne cet été. Donc, on a eu la première commande qui est tombée courant septembre. D'accord. Et ça a été le début des catastrophes pour nous. On est passé par une plateforme pour l'envoi de la palette, donc des produits. Stéphanie, permettez-moi, je vous interromps pour bien qu'on comprenne. Hein, j'ai horreur de ça, mais donc vos produits partent de votre épicerie et sont censés aller sur une plateforme qui elle-même l'enverra dans la grande surface, c'est ça ? Exactement. D'accord. Exactement. Je vous écoute. Une plateforme de comparaison pour des transporteurs. Donc, on trouve un transporteur via cette plateforme et on l'envoie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a besoin de rendez-vous pour finalement livrer à l'entrepôt. Et donc, sur le suivi, tout se passe bien. On voit que la palette a été livrée. Et pourtant, une semaine plus tard, on reçoit une feuille de litige, un document qui prouve un litige de cette enseigne. Donc, grosse incompréhension parce que sur le suivi du transporteur, tout indique que finalement, l'expédition s'est bien passée et que la palette a été livrée, donc avec notre numéro de commande et tout. Mais du coup, là, on commence dans des grandes discussions avec, d'un côté, le transporteur, la plateforme qui gère finalement ce suivi-là, Et notre client de l'autre côté qui confirme qu'ils n'ont pas reçu la bonne palette. Et pour autant, de l'autre côté, on a le bon de livraison qui a été signé et tamponné avec notre numéro de suivi. Alors, on va aller à la conclusion. Comme l'entrepôt de votre client est plein, la livraison n'a lieu que le 11 octobre. Alors, c'est le début des ennuis car vous allez apprendre en fait qu'il y a eu une erreur. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait au lieu des crèmes à tartiner? Eh ben, ils ont reçu une palette avec des ciseaux, des objets ménagers, donc il n'y a absolument rien à voir avec le cœur de notre activité. Effectivement, si vous essayez de prendre une tartine de pain et mettre un ciseau dessus, je peux vous dire que ça doit être indigeste. Donc, ils n'ont pas reçu le bon carton, donc si j'ai bien compris, Maître Felloneau, l'erreur vient de la plateforme. Alors, effectivement, ou du transporteur, c'est un peu ces histoires. Nous, l'expéditeur fait tout comme il faut, il fait cette belle étiquette, etc. Et on s'aperçoit dans la photo du carton qu'il y a plusieurs étiquettes de collé. Alors, qui a fait l'erreur? Est-ce que c'est le transporteur au moment où il l'a mis dans son camion? Ou est-ce que c'est sur cette plateforme? Parce que le client final est un énorme client et qui est tellement énorme qu'il a lui-même ses propres entrepôts et ensuite, il les dispatche dans ses différents magasins. Ou c'est chez ce client-là, dans son entrepôt? Ben, va y retrouver tes petits. On compte sur vous. Alors, aujourd'hui. Vous voulez aujourd'hui que vos produits soient retrouvés mis en magasin au plus vite parce que vous avez besoin de cette trésorerie, je suppose, que l'on vous règle aussi la facture de 2 825 euros, car vous le savez, la grande surface ne plaisante pas. C'était l'objet d'ailleurs du premier capital que nous avions proposé. Dès qu'il y a le carton est à peine abîmé, quelque chose qui ne va pas, une heure de retard dans la livraison, hop, livraison refusée, ça repart. Et donc, elle n'a pas les reins solides comme un gros producteur de lait qui peut se permettre de voir 10 palettes revenir. Quand on est une petite éprissée, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Quel est le dernier mot que vous a dit la grande surface en question que nous allons appeler? Il y a un silence radio. On a eu des derniers échanges par mail début novembre. On a relancé la semaine dernière. Il n'y a aucun retour de leur part. Eh bien, nous allons lancer l'appel dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il faut sauver cette petite épicerie et retrouver les pâtes à tartiner. On ne va pas laisser quand même des gens bouffer des ciseaux pour Noël. Je sais bien qu'en ce moment, c'est un peu la crise, mais quand même, on n'en est pas là. Dans une seconde, il y aura un deuxième cas, Charlotte. Patrick a loué un voilier pour ses vacances en famille. Il l'a rendu en parfait état, mais il n'a toujours pas récupéré sa caution de 2500 euros. Quand il dit qu'il a loué un loyer, que les choses soient claires, hein, c'est pas un 80 voilier, mètres, un voilier. Et c'est pas un 4. Qu'est-ce que j'ai dit? Un loyer. Eh ben oui, il y a des gens qui perdent tellement les pédales qu'ils louent des loyers. Ce qui ne sert strictement à rien, je tiens à vous le dire. Hein. Ah tiens, j'ai entendu un comique, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Je me demande si c'est pas Roland Magdan qui fait un sketch et il y a sa femme qui est censée lui dire « Ah, c'est le propriétaire, il gueule, il veut qu'on lui paie son loyer. » lui répond, bah, ouais, il est bien gentil, on a déjà du mal à payer le nôtre. Voilà, allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Depuis 100 ans, la Ligue contre le cancer apporte aide et soutien aux personnes malades, finance la recherche et mène des actions de prévention en toute indépendance. Mais rien de cela ne serait possible sans vos dons. Rendez-vous sur ligue-cancer.net. Merci. Passez une bonne matinée avec RTL. Rentrer chez soi, savoir que ses moindres désirs sont exaucés. Tout est rangé, lavé, repassé, comme on l'aurait fait, sauf que l'on n'a rien fait. Sinon, demander et être écouté, être compris, être conquis. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local ou sur shiva.fr. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons Réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur reglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultables sur le site. Pendant ce temps chez Renault, j'adore ! Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99€ par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000€ plus 36 loyers de 99€. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39€ hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, c'est une émission qui, chaque matin, par la négociation, essaie de trouver un accord. Chacun met un peu du sien et on trouve une solution à un problème. Nous sommes en train d'essayer d'aider Stéphanie. Elle fabrique des crèmes à tartiner pour l'apéritif. Une grande enseigne en a commandé pour 2 825 €. Mais lors de la livraison, le colis a été perdu. La facture n'a pas été réglée. Maître Fellono, sincèrement, est-ce qu'il vaut mieux appeler le client final ou passer par la plateforme où, visiblement, c'est là qu'a eu lieu la bêtise? Alors, la plateforme, elle fait en fait l'intermédiaire entre notre amie Stéphanie et le transporteur. Le transporteur, lui, il dit « Je suis désolé, j'ai un bon de livraison signé par la plateforme. C'est le bon de livraison. Et donc, j'ai fait mon job. C'est à l'entrepôt que les histoires vont mal. » Donc, on appelle la plateforme. Donc, il faut voir si la plateforme, elle, a pu avoir d'autres renseignements que nous auprès du client final et essayer de voir qui a fait quoi. Bienvenue sur Youpla. For service in English, Youpla. Please press zero. Ah bon, on va demander à pour une demande à de devis ou partenariat, appuyez sur 1. Youpla. Pour une demande relative à une commande déjà effectuée, appuyez sur la touche 2. Pour répéter le menu, appuyez sur étoile. Ou pour toute autre demande, veuillez patienter pour parler à un conseiller. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse le double call, que nous ne faisons que rarement. Je le sors nous aujourd'hui parce que c'est exceptionnel. Nous allons vous mettre en relation avec votre correspondant. Vous, merci Céline, de patienter. Vous continuez à rester avec nous chez Youpla. Oui. Ça va répondre peut-être. Et non, vous, pendant ce temps-là, vous commencez à avancer avec la grande enseigne. Parfait. Et dès que vous avez quelqu'un, vous me faites la petite alerte et vous me basculez. Le premier des deux, déjà, me bascule l'interlocuteur sur l'antenne. Et celui qui arrive en deuxième quitte la radio et va chercher son chèque solde de tout compte à la comptabilité. C'est parti, ça marche. Allez, c'est parti. Donc nous sommes toujours avec, d'un côté, Youpla. Prosper, Youpla, boum, c'est le chez Nostradame. Prosper, Youpla, boum. Il a perdu les colis. Bon, alors... ça serait tellement plus sympa si ça se passait comme ça. Vous avez des nouvelles de mon colis? Ah ben non, c'est Prosper qui s'en est occupé. Mais alors, où est le problème? Eh ben... Prosper, Youpla, boum. Il égare tous les colis. Bon, donc, nous attendons que Bernard ait quelqu'un et nous allons nous retrouver. Stéphanie, on prend ça avec humour, mais on vous aide. Hein, ne vous inquiétez pas. Vous l'avez bien compris. Nous allons nous retrouver avec le deuxième cam à Charlotte dans une seconde. Ah, une alerte. Bravo Céline. Bernard est en train d'aller chercher son chèque à la compta. Oui. J'ai cru que j'avais quelqu'un, mais fausse alerte. On m'a remise en attente. C'est moi qui l'ai l'alerte. Ah, c'est vous qui l'avez. Deux alertes. C'est l'entrepôt des Galeries Lafayette. Ah, bonjour, l'entrepôt des Galeries Lafayette. Bonjour. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL, rien de très grave, mais j'ai une dame qui tient une épicerie chez qui vous commandez des produits, qui a donc livré ses produits et le carton s'est perdu aujourd'hui, donc du coup elle n'est pas payée. Donc c'est Youpla qui s'est occupé, je crois, c'est la plateforme. Enfin bref, il y a eu un gros problème avec son carton, mais elle n'a plus aucune nouvelle et la pauvre aujourd'hui a besoin de ses 2 825 €. Est-ce qu'on pourrait faire un petit historique? Sur le carton, il y a plein d'étiquettes, c'est ça le problème, c'est là qu'on voit qu'il y a eu une petite erreur. Maître Fellono. Oui, bonjour madame. En réalité, le transporteur affirme vous avoir bien livré le bon carton et que c'est chez vous qu'il a été perdu, puisqu'il nous a donné un document où il y a l'étiquette qui vous concerne et un tampon avec marqué SA Logis Galerie Lafayette réception alimentaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider madame ou nous trouver quelqu'un s'il vous plaît? Alors ici sur le site, on ne va pas pouvoir la renseigner, il faudrait contacter le siège. D'accord. Ah oui. Alors, je vais prendre le numéro. Bernard, vous le récupérez? Bien. Voilà, nous y allons. Donc, vous voyez que nous pouvons régler les problèmes avec la bonne humeur, mais avec l'érotisme également, car là, c'était vraiment, franchement, hein, entre quelqu'un qui me dirait des cochonneries au téléphone ou cette dame qui me dit « Il faut appeler le siège pour savoir où est le colis », je me demande si je ne vais pas choisir le colis. Mais nous allons là maintenant, le temps que tout ceci se décante. Écoutez, The Rolling Stones, le cas numéro 2 va arriver. Dernière demi-heure, c'est le Money Time. Tous les gens qu'on a appelés en général rappellent, donc soyez là. Mais c'est surtout le retour sur des cas qui ont bloqué. Vous avez choisi l'émission la plus écoutée de France, le 9h30-11h. En vous souhaitant une belle journée. Les plus grands standards sont sur votre radio RTL. Nous avons déjà lancé un premier cas. Stéphanie tient une épicerie fine. Une grande enseigne lui passe commande de crème à tartiner. Mais au lieu de recevoir ses crèmes, le magasin reçoit des paires de ciseaux. Depuis, impossible de retrouver le bon colis. Nous avons donc lancé des appels. Tout d'abord, la plateforme d'expédition et de livraison. Nous sommes toujours en attente. Où en sommes-nous, Bernard, avec les deux appels, grande surface et plateforme? Alors moi, j'ai donc appelé galette, Galerie, pardon. La les galettes. Vous avez galettes, appelé d'appeler les galettes. J'avais faim, je n'ai pas pris mon petit-déj. Et donc on me dit qu'on appellera donc le service litige. Il faut qu'on les appelle de suite, Julien, pour qu'on le lance. Ah bah écoutez, allez-y. Et puis appelez la mère Poulard également. Peut-être qu'avec ses galettes, elle pourra nous aider. On va lancer pendant ce temps-là, et le temps que le caillou sorte de la bouche de Bernard, un deuxième cas, s'il vous plaît. Patrick passe d'agréables vacances en famille. Pour ça, il loue un petit voilier. Il le rend, mais à ce jour, il n'a toujours pas récupéré sa caution. Oh, ben bah là aussi, il doit y avoir des galettes. Nous galettes allons, Paris, bien bonjour. Sûr. Ah, une alerte. Voilà la galerie Lafayette, Julien, le service litige. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Le service litige et galerie Lafayette. Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, madame. Je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL et nous aidons une petite épicerie chez qui vous commandez des denrées qui, malheureusement, ne sont jamais, sont arrivées à la plateforme et elles ont été perdues, etc. Et cette dame a vraiment besoin aujourd'hui d'être payée, de savoir où est devenu son carton. Donc, si vous voulez, hors antenne, on peut vous expliquer tout ça. Comme ça, vous nous trouvez un interlocuteur ? Alors là, je ne sais pas qui je vais vous trouver. Rien du tout. Alors, alors comment fait-on quand il se passe ce genre de problème, on peut s'adresser à qui en fait ? Je ne sais pas du tout, je vais aller voir ma responsable. Bon, c'est clair. Merci beaucoup. Tenez, vous la récupérez, Bernard. Bien. Allez, dans une seconde, on va essayer d'avoir quelqu'un. Donc, vous voyez qu'on appelle tout le monde et personne ne sait à qui il faut s'adresser quand, comme ça, un colis est perdu. Le deuxième cas arrive également. Merci d'avoir choisi RTL. Et n'oubliez pas que si vous avez un souci, c'est le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou Facebook, la page, ça peut vous arriver, c'est gratuit. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoa répince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. RTL. On a tellement de choses à se dire. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 8 euros en bons d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël, comme Lin, Ferrero, Kinder. Non, mais 8 euros en bons d'achat sur tous les chocolats de Noël. Génial. Résultat des courses, je me prépare un Noël de folie. Dès demain, dans vos hypermarchés Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, profitez de 8 euros en bons d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël. Carrefour. Bons d'achat valable du 3 au 9 décembre, offre limitée à 75 euros d'achat. Détails de l'offre et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Lors de mes voyages, j'ai côtoyé le meilleur, mais j'ai aussi vu le pire. J'ai vu des familles perdre leurs terres et des enfants souffrir de la faim. Même si ces enfants ne sont pas les miens, j'ai décidé de faire un legs, parce que l'humanité est une seule et grande famille. Avec le CCFD Terre Solidaire, j'apporte ainsi ma pierre pour construire un monde plus juste. Demandez notre brochure legs. Appelez au 01 44 82 80 82. CCFD Terre Solidaire. Tous humains contre la faim. Tu reviens d'où comme ça ? De la pharmacie. Pour les médicaments de maman ? Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylan. Les mêmes qu'à l'hôpital ? C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylan était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben moi, ça lui changera pas ses habitudes. Par contre, toi, faut que tu te mettes au sport, frérot. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après élément démographique 2017, panorama au 1er janvier 2017. Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Quand les experts Peugeot entretiennent votre véhicule, ils entretiennent aussi votre sérénité. Partez tranquille en vacances ou en week-end. Ils interviendront en cas d'imprévu pour vous aider à rejoindre votre destination. En leur confiant votre révision, vous bénéficiez gratuitement du service Peugeot Assistance Panne et Accident. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. La révision est à partir de 99 euros pour les véhicules de 4 ans et plus. Voir conditions en ligne. Isabelle, antenne dans 2 secondes. Bruno Solo, bonjour. Bonjour. Alors Bruno, parlez-nous de votre actualité, un prochain rôle au théâtre ? Oui, mais celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et qui me tient à cœur depuis des années, c'est celui que j'ai avec Personnage. Ah, la fondation créée par Lino Ventura. Voilà, et qui a pour vocation de lutter contre les préjugés tout en aidant et en accompagnant les personnes handicapées et leurs familles. C'est ça, mon plus beau rôle. Faites comme Bruno Solo. Face au handicap, on a tous un rôle à jouer. Soutenez la fondation Personnage en faisant un don sur personnage.org. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? J'entends rien, il y a de la friture ! Ah bah ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui et demain chez Lidl, le filet de 2 kg de pommes de terre spéciales frites est à 1,79€. 1,79€ les 2 kg de pommes de terre spéciales frites ? Ça fait 90 centimes le kilo, et origine France, hein ? Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 50-75, variété Atoll, César, traitement anti-germinatif après récolte, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Le 9h30 11h sur RTL. Nous faisons un point sur le cas qui a été lancé dans la première demi-heure. Stéphanie, une grande ancienne lui doit une facture de 2825 €. Elle lui a acheté des produits pour l'apéritif qui se sont perdus. Pardon pour le bug. Alors oui, mais écoutez, je crois qu'on y a tous ce droit. Moi, tout à l'heure, j'ai annoncé qu'il voulait louer son loyer au lieu de son voilier. Lui, au lieu de dire les gars, il a failli être dit, j'ai appelé les galettes. C'est quand même un festival. Alors, essayons de nous calmer. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard ? Je suis donc avec le service litige qui est en train de faire une petite enquête en interne. Ils reviennent vers moi dans quelques minutes, je l'espère. Je suis en attente avec eux. Bon, je vais donc pouvoir lancer le cas numéro 2, si vous le voulez bien. Stéphanie, vous pouvez vous faire un petit café. Je reviens dans quelques instants pour vous, d'accord ? Ça marche. À tout à l'heure. Une galette avec le café, bien sûr. Patrick est avec nous. Bonjour, Patrick. Bonjour Julien, Patrick, merci de me recevoir. Ben je vous en prie Patrick, on n'en est pas encore là Patrick, je vous recevrai avec votre épouse chez moi très prochainement, mais là commençons par la radio, vous qui vouliez faire la transat en solitaire, là, comme ils l'ont fait tous. Exactement. Vous aviez loué un petit loyer, alors quelle était la location, le prix de la... Non mais enfin un petit loyer, ah, bon, j'ai encore pas dit loyer, loyer. Écoutez, je suis obsédé par ça. Vous avez loué un petit voilier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben écoutez, voilà. Je suis désolé, Patrick. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission, priorité au cas précédent. Que se passe-t-il, Bernard Sabat ? Alerte. Le cas de Stéphanie, vous savez, avec les Galeries Lafayette. Ben, j'ai une responsable qui souhaite vous parler. Super, je prends. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et je vous remercie mille fois de nous parler, d'aider Stéphanie et sa petite épicerie. Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Oui, effectivement. Donc, il y avait bien un problème avec le transporteur lié directement. C'est-à-dire qu'en fait, le transporteur avait gardé la palette. Il avait inversé, en fait, entre deux fournisseurs. Il nous avait livré à un autre fournisseur. Et sa palette était restée chez lui, en stand-by. Donc, on l'a fait récupérer. Déjà, ça fait un petit moment. Elle a été réceptionnée là, il n'y a pas très longtemps. Donc, normalement, la facture doit être réglée très vite. Eh bien, c'est super. D'ici peu. Eh ben, bravo. Bravo, madame. Voilà. Et bravo à vos services pour avoir répondu aussi vite à notre appel. En quelques minutes, ça a été réglé. Bravo, les Galeries Lafayette. Vous avez entendu, Stéphanie? Oui, très bien. Ah ben voilà. Donc ça va être fait dans les jours qui viennent. Ça a été réglé, donc ah ben voilà. Alors c'est en logistique directement. Hein. Je m'en suis occupée personnellement. Bon. Donc il n'y a pas de problème. Eh bien écoutez, merci madame. J'avais une deuxième question à vous poser. Oui. Est-ce que pour l'année prochaine, vous me prendriez Maître Fellonneau et Bernard Sabat dans une vitrine pour les petites vitrines illuminé de Noël. Ça me ferait très plaisir. Avec grand plaisir. Il le ferait bénévolement. Et croyez-moi, je peux vous assurer, il y a déjà la foule devant vos vitrines, parce que c'est toujours la visite. Un événement. Un contournable, mais là, il y en aurait encore plus. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, et qu'elle n'hésite pas à me contacter. Bon, hein, je vais lui donner vos coordonnées. Vous êtes très gentille, madame. C'est un bonheur de vous parler. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie, à vous aussi. Voilà. Stéphanie, il y a eu un couac. C'est fini. Ça sera réglé normalement dans les jours qui viennent. Tout va bien ? Ça marche. Bah, merci. Et je vous fais un gros bisou. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux acheter chez vous ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? La crème de Safou. La crème de Safou ? Et ça fout quoi ? Mais en fait, c'est une prune sauvage qui vient d'Afrique centrale et qu'on retravaille donc de façon originale. Vous pouvez le consommer un peu comme une tapenade finalement sur du pain. Très bien. Donc vous n'avez que des spécialités comme celle-ci. Bernard, qui est timide, n'ose pas vous le demander. Avez-vous des produits comme ceci, mais un peu aphrodisiaques ? Oui, on a le jus de gingembre aux fruits de la passion. Le jus de gingembre, un programme. Le grand classique. Ouais. Merci Stéphanie. Où se trouve-vous votre épicerie du coup ? On est basé à Puteaux. À Puteaux, où ça exactement ? Au 76 rue Victor Hugo. Eh ben voilà, c'est des bons petits cadeaux de Noël à faire, ça, ou pour préparer le réveillon. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Bonne journée. Oui, Nathalie. Moi, j'espère surtout que ça va être mis en rayon rapidement, parce que c'est une visibilité énorme d'avoir ces produits aux Galeries Lafayette. Et c'est vrai que, voilà, ce sont des petits cadeaux qu'on fait, on s'habitue à une marque, et j'espère pour vous que ce n'est pas trop tard. Attention, nous n'avons que 20 secondes avant que les infos démarrent, donc nous allons reprendre le cas du voilier et non du loyer, Bernard. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que Madame Fnegmarie m'a donné son mail pour justement Stéphanie régler ce problème cet après-midi. Allez Patrick, je reviens vers vous dans quelques instants. Nous parlerons vacances et puis il y aura le cas de Yelena. Elle réserve un mobilhome pendant ses vacances en juillet, mais sur place, elle constate la présence de moisissures et de cheveux. Elle quitte les lieux immédiatement et attend un remboursement. Nous nous retrouvons dans quelques instants sur l'antenne d'RTL et surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Là, peut-être qu'elle vous avait commandé des cadeaux de Noël. On vous avait dit ils vont arriver d'ici la fin de la semaine et vous commencez à paniquer. Ça s'est déjà vu, des cadeaux de 2017 qui arrive en 2018 et 2018 qui arrive en 2019. Alors attention, à tout de suite. Bon, c'est ma femme qui m'avait dit chez Opel, ils reprennent tout ce qui roule 4000 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4000 euros contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre... elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4000 euros minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Tiens, tu lis le nouveau détective. Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes. Ah, et c'est sur les faits divers ? Oui, oh, t'as tous les détails de l'enquête, hein. Des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro un. C'est mon petit plaisir du mercredi. Le nouveau détective, des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs. 1,60€ seulement. Intermarché vous propose d'écouter 23,45€. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. France 2. Les Rivières Pourpres. La série événement de Jean-Christophe Granger. Commissaire Niemans, lieutenant Camille Delaunay. Vous le dépendez de l'OCSS. C'est quoi exactement ? Un nouvel office central, chargé d'épauler les autres services quand les meurtres sortent de l'ordinaire. Avec Olivier Marchal et Erika Sainte, Les Rivières Pourpres. 4 soirées inédites, dès ce soir à 21h sur France 2. Passez un hiver serein. Faites entretenir votre véhicule chez Best Drive. En ce moment, c'est jusqu'à 150€ remboursés sur les pneus Continental. Sans oublier les offres promotionnelles sur le freinage et les batteries. Partez en toute sécurité et profitez. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018. Conditions sur bestdrive.fr. Leclerc. Maman, qu'est-ce que tu fais avec mon jambon ? Je regarde. Jambon cuit supérieur sans coin, tradilège de marque Repère, porc français, né, élevé et transformé en Bretagne. Et avec 50% de ticket Leclerc. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 27 novembre au 8 décembre, le paquet de 6 tranches de jambon supérieur tradilège de marque Repère de 270 grammes origine France est à 2,92€, soit 10,81€ le kilo. Avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Un régal. Pour votre santé, évitez de grignoter. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1. Nous sommes là pour vous aider chaque matin. Deux cas ont été lancés. Nous revenons sur ce cas vacances dans une seconde. What's the sense in sharing? Il est 10h. Bénédicte Tassard pour l'information. Bonjour Bénédicte. Bonjour et bonjour à tous. La mort du cinéaste Bernardo Bertolucci, d'après les médias italiens, le réalisateur du Dernier Tango à Paris et du Dernier Empereur, est décédé hier à l'âge de 77 ans. 27 gardes à vue prolongées, 45 personnes déjà présentées à la justice. Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, fait le point après les 107 interpellations pendant les violences qui se sont déroulées sur les Champs-Élysées samedi pendant la manifestation des Gilets jaunes. 27 personnes passent aujourd'hui en comparution immédiate. Une vingtaine d'interpellés a été relâchée. 8 ont fait l'objet d'un rappel à la loi. Dans une interview ce matin chez nos confrères de CNews, le préfet indique que les 3/4 des personnes interpellées sont des personnes venant de différentes villes de province. Elles ne font pas partie des casseurs qu'on retrouve habituellement dans les manifestations parisiennes. Gilets jaunes toujours, l'A6, l'autoroute est rouverte dans les deux sens au péage de Lima. Le trafic avait été défié tout le week-end à cet endroit, entre Lyon et Mâcon. Les gilets jaunes évacués de force samedi soir avaient laissé sur place des clôtures et des chaussées endommagées. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, elle, sera après-demain à la réunion, à la rencontre des gilets jaunes. Elle devrait faire des annonces, notamment sur le coût de la vie et l'emploi. Sur l'île, la mobilisation des gilets jaunes est importante. Le nombre de barrages est reparti à la hausse. Aujourd'hui, le couvre-feu avait été levé hier. Du climat, avec cette première en France, le capitaine d'un bateau de croisière condamné ce matin à 100 000 euros d'amende pour pollution de l'air en France. Ça s'est passé à Marseille. L'Azura utilisait un fioul trop polluant, un carburant dépassant les limites en soufre mais moins onéreux à l'achat. La compagnie Carnival, le leader mondial de la croisière et propriétaire du navire, devra régler 80% de la somme. La bourse de Paris ce matin, le CAC 40 ouvre à la hausse à plus 0,72%. Les courses, ça se passe à Vincennes cet après-midi et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 5, l'As, le 16, le 6, le 10, le 11 et le 17. La dernière minute, c'est le 6, Archibald. Le temps pour cet après-midi, du gris avec quelques pluies. Dans le sud, de la pluie une bonne partie de la journée sur les Pyrénées, de la pluie sur le Pays Basque. Quelques apparitions du soleil sur la Méditerranée, mais avec un vent jusqu'à 90 km/h près des côtes. De la pluie enfin, voire des orages en Corse. Et sur le reste du pays, quelques averses éparses. Un peu de neige sur les Alpes et le Massif central. Autour de 800 mètres, les températures cet après-midi, de 4 à 10 degrés à l'intérieur, jusqu'à 13 degrés près des côtes et jusqu'à 17 degrés en Corse. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Colanormand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Colanormand, chaque matin, partez gagnant. 10h03 sur RTL et on retrouve Julien Courbet. Dites-moi, ils prennent quoi, pardon, à l'apéritif, ceux qui donnent les noms des chevaux? Le 12, c'est Bignou de Conné. Le 5, Bacchus Della. Le 16, c'est Baraka de Bougie. Oui. Quand tu te mets à appeler un cheval Baraka de Bougie, excuse-moi, c'est qu'on en est quand même à la 5e tournée. Dis donc, Polo, tu lui remets sa petite sœur et ton cheval t'a décidé de lui donner un nom. Baraka de Bougie. Des cons, appelle-le plutôt comme le 17, Bettina de Tillard. Enfin, vous vous rendez compte un peu, si on s'appelait comme ça, nous tous? Et tout de suite, les infos, Baraka de Bougie. On ne serait pas crédible. Alors, si on ne se le fait pas à nous, il ne faut pas le faire au chaud. Voilà, on essaiera à 11h. À tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est une façon élégante de me dire que vous avez envie de vous en aller. Nous allons effectivement faire le point sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Charlotte, nous avons démarré avec le cas de Stéphanie. Elle attend le paiement d'une facture de 2825 €. Une grande enseigne lui a acheté des produits pour l'apéritif qui s'était perdu pendant le transport. Alors, ce sont nos amis des galeries Lafayette, Gourmet, qui ont commandé, mais pour ça, ils passent par une très grande plateforme. C'est la plateforme Youpla. Et d'ailleurs, on s'est dit, peut-être que c'est là-bas qu'il y a eu un problème. Prosper, yop, la bombe. Il a perdu le colis. Mais on l'a retrouvé, Bernard. Oui, on l'a retrouvé avec le service litige. Madame Fnegg-Marie, la responsable, a récupéré cette palette la semaine dernière et le règlement sera effectué en fin de semaine, Julien. Et puis, il y a le deuxième cas que nous allons vous détailler. Cette fois-ci, il ne sera plus coupé puisque le premier a été résolu. C'est celui de Patrick. Il a loué un bateau cet été. Il a laissé une caution de 2500 € qu'il n'a à ce jour pas récupéré malgré la restitution du voilier. Et juste après, dans un tout autre style, une histoire de mobile homme. Vous êtes sur RTL. Bonne journée. RTL. Cette année encore, la sécurité routière est partenaire des pros ont du talent. Pierre Terquem, vous dirigez GMT Conseil à Pau et vous avez remporté le 15 novembre dernier le premier prix du pro de la sécurité routière. Félicitations. Merci. Nous sommes très fiers de voir effectivement que les engagements que nous avons pris en faveur d'une route plus sûre sont aujourd'hui récompensés. Et vous pouvez nous donner des exemples ? Parmi les nombreux engagements que nous prenons dans l'accompagnement de nos collaborateurs, nous organisons l'activité de l'entreprise afin qu'il n'ait pas plus d'une heure et demie de déplacement et prenons en charge l'hébergement à proximité de leur rendez-vous. Un autre de ces engagements est d'accompagner les collaborateurs dans la sensibilisation d'une bonne conduite et notamment la non-utilisation du téléphone. Merci beaucoup Pierre. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Passez une bonne journée avec RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? C'est qui ? Oui ? Bah c'est kiwi, oui, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui demain, le kiwi est à 39 centimes la pièce. Moins de 40 centimes le kiwi ? Eh oui, 39 centimes, c'est le vrai prix. Et à un prix Lidl quoi, tout rikiki. Oui, c'est bon, ouais. Et à qui je vais serrer le kiki, moi ? À qui ? Bah à Bibi, comme d'hab. Eh bah oui, oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, variété Eward, origine Nouvelle-Zélande. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. RTL présente Kids United, nouvelle génération. L'édition collector inclut l'album, des titres bonus et plein d'autres surprises. C'est le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. 11h-12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Vous l'avez aimé dans ce rôle-ci. Excuse me, you fuck my wife. Vous l'avez aimé dans ce rôle-là. Allô, tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends ? Serge, c'est toi mon fils ? Maman. Mais aussi dans le boulet, dans le couperet ou encore dans ceci. Non, là, Stéphane, c'est Don José. Eh bien, il a beaucoup de dons, José Garcia. Et il sera dans À la bonne heure pour le film Lola et ses frères. Et La bonne heure sur RTL, c'est à 11h. À tout à l'heure. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et cette fois-ci, pour la deuxième et dernière fois, Patrick nous narre sa mésaventure de location de petits voiliers. Patrick, c'est à vous. Oui, Julien. Donc, comme je vous disais, j'ai loué un voilier pour faire un cadeau à ma fille. Qui voulait faire un stage de voile et donc je recherche sur internet la façon de louer un voilier et je trouve une plateforme et à ce moment-là je décide de choisir un voilier. Je fournis tous les documents nécessaires pour pouvoir le louer, différentes qualifications, etc. Donc on me demande beaucoup de papiers que je fournis, je règle la location et je prends possession du voilier donc qui devait partir du port de Nice et je le rendais au port de Nice. Et j'ai eu quelques mésaventures puisque le voilier n'était pas équipé comme il était indiqué sur la plateforme. Est-ce que vous l'avez fait constater ça quand vous l'avez pris ou vous en êtes aperçu après ? Je m'en suis aperçu après parce que un voilier au port, il est toute voile pliée, etc. Donc le moteur fonctionne pas. Enfin bon, tout est à l'arrêt. Donc on s'en rend compte qu'à l'usage pendant la durée de la location. D'accord. Et j'ai eu donc la surprise de voir que la voile avant était en dentelle. C'était une dentelle. Hein. J'ai voulu renommer le voilier le Hollandais volant ou la Mythe volante. Mais ce n'était pas un site de croisière érotique ? Non, à ma connaissance, non. Où les voiles sont en dentelle. Ce sont des jartelles pour tirer, pour tendre un peu le voilà. Foc, etc. Bon, ok. Donc, si voilà. J'ai bien compris, vous avez dû investir pour qu'il soit en état. Alors, La voile, je n'y ai pas touché, mais elle portait toujours et ça faisait avancer le voilier. Il y avait la grand voile également. Patrick, donc, faites-moi un petit état des lieux. Dites-moi, si vous voulez que je puisse vous aider, il faut qu'on avance vite. Dites-moi maintenant, grosso modo, vous avez donc dû dépenser de l'argent pour que ce voilier... Donc j'ai dû dépenser. Alors, on a fait toute la côte jusqu'à Marseille, de Nice à Marseille. On est revenu au Lavandou, on a eu un problème de madène des gaz... au moment de rentrer dans le port, donc la capitainerie a très gentiment nous a aidés avec les zodiacs de la capitainerie pour apponter. Le lendemain matin, ils ont appelé un réparateur qui est venu donc pour ce problème de manette des gaz. Patrick, rassurez-moi, vous êtes parti combien de jours en vacances? Parce que s'il se passe chaque jour un truc, on n'arrivera pas jusqu'à 11h. Non, non, c'est le jour clé là. Dont je Alors, parle. Allez-y, Patrick, parce qu'il faut vraiment que je les appelle. Et le lendemain matin, donc le réparateur arrive et je lui dis, il y a un autre problème. On a pris 1000 litres d'eau dans le bateau. Donc il y avait une durite qui fuyait. Et par bonheur, ce réparateur très sympathique nous a sorti de la mouise, si je puis dire. D'accord. Puisqu'il a vidé l'eau du bateau, il a réparé la manette, etc. Le voyage se termine, donc on rend le bateau le début septembre. Et ce que j'avais constaté, c'est que la caution... avait été encaissé dès le premier jour. Alors, je vais prendre le relais, Patrick, parce que, croyez-moi, il faut vraiment qu'on puisse appeler. Grosso modo, vous avez dépensé 843 euros de réparation. Sur ces 843 euros, vous avez été remboursé de seulement 240, mais il garde aujourd'hui, Maître Fellonneau, en plus... la caution. Votre analyse et on lance l'appel. Alors, cette société n'est qu'une plateforme, Julien, de réservation, un peu comme Airbnb ou donnez-moi d'autres noms Booking. Ou Booking, voilà. Donc, ce n'est pas, Julien, le propriétaire du bateau. Il ne représente pas le propriétaire du bateau. Et d'ailleurs, alors là, j'ouvre son contrat... une parenthèse. Ok, les plateformes, maintenant, ça se multiplie, il va falloir vivre avec. Est-ce qu'une plateforme est responsable ou pas? Pour l'instant, pas encore. On espère bien grâce à cette directive du 1er juillet qui concerne tout ce qui est relatif au tourisme, qu'au 1er janvier, les gens comme ça qui permettent de faire du tourisme seront aussi responsables de plein droit quand il y aura un problème. Là, en fait, Julien, ce qui se passe, c'est que la caution, tout est payé à la plateforme, sauf la caution qui est payée directement au propriétaire quand le propriétaire vient remettre son bateau. C'est le propriétaire qui refuse de la donner alors que par écrit, il a dit qu'il rembourserait les factures, l'intégralité des factures et la caution. Le problème, c'est que le propriétaire est hollandais. Donc, on va commencer par la plateforme. Qu'avez-vous à nous dire, Bernard, spécialiste du tourisme depuis 34 ans, sur ces plateformes? Alors, c'est une plateforme, évidemment, qui existe depuis 11 ans, Julien, qui a une bonne réputation, mais qui n'a pas de numéro de licence. Donc, ils n'ont pas de responsabilité sur le papier, comme dit Maître Fellonneau. Mais la loi est en train de changer. Et je peux vous dire qu'à partir du 1er janvier 2019, tous les facilitateurs devront être responsables vis-à-vis des acheteurs. Seconde, nous allons appeler et la plateforme et le propriétaire du voilier pour aider Patrick qui veut récupérer ses 2500 euros. Non seulement on ne lui rend pas sa caution, mais en plus lui a dû mettre de sa poche de l'argent pour réparer le bateau qui ne marchait pas. Et puis nous demanderons, s'il est gentil à Patrick, de nous re-raconter son histoire, car on est friands de tous ces petits détails qu'il nous a donnés. Au départ, c'est un voilier que j'ai loué pour ma fille, vous savez, deux, trois enfants, je ne sais pas si ça vous intéresse. J'ai aussi deux enfants. Mais là, c'était pour la fille qui a décidé de prendre des cours de voile, puisqu'elle ne peut plus faire de judo depuis cette prise-là qui lui avait cassé la jambe. D'ailleurs, elle a très mal opéré. J'en profite pour vous dire, on avait été à l'hôpital Saint-Ursule, juste avec, comme on a été reçu. On a attendu pendant 4 heures dans la salle d'attente avant qu'il opère la jambe. La pauvre, il a fallu 3 heures. Enfin, bon, on parle du voilier. Alors, le voilier, donc, on décide d'aller à Toulon. Pourquoi Toulon? Alors, il faut que je vous explique que ma femme. Ils sont tous installés dans le sud. Avant, ils ont des bases sur Toulon, donc on s'est dit on va prendre le rendez-vous. Ensuite, la semaine prochaine. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut, et en plus c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Leclerc. Maman, qu'est-ce que tu fais avec mon jambon? Je regarde. Jambon cuit supérieur sans coin, prédilège de marque repère, porc français, né, élevé et transformé en Bretagne. Et avec 50% de ticket Leclerc. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 27 novembre au 8 décembre, le paquet de 6 tranches de jambon supérieur tradilège de marque repère de 270 grammes origine France est à 2,92€, soit 10,81€ le kilo. Avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Un régal. Pour votre santé, bougez plus. Salut, c'est Eric Antoine. Retrouvez-moi dans la France un incroyable talent aux côtés de la pétillante Hélène Segarra. C'est ça qui me séduit le plus. J'ai adoré. L'indomptable Sugar Sammy. Même quand vous huez, c'est trop. Et l'exigeante Marianne Jeps. Pour me bluffer, il faut se lever tôt. Hein. La France a un incroyable talent. Présenté par David Ginola. Demain à 21h sur M6. Le recyclage est une priorité du ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais en fait, en quoi consiste exactement le recyclage ? Réponse dans un instant. Laurent Ruquier vous présente le nouvel almanach des grosses têtes. Une année avec les grosses têtes, avec chaque jour une bonne dose de rire et de culture. Des histoires drôles, des blagues, les questions du jour, les pépites de l'émission et même l'invité mystère. Bref, de l'humour, encore de l'humour, pendant une année. L'almanach 2019 des grosses têtes est disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions Michel Lafond, avec RTL. Le lundi chez Géant, c'est Cyber Monday. Mais attention, ce n'est pas tous les lundis. C'est aujourd'hui uniquement. Oui, aujourd'hui et aujourd'hui seulement, venez profiter d'une sélection de produits high-tech et électroménagers comme le micro-ondes combiné Whirlpool à 169 euros, 100% remboursé sous forme de bons de réduction à valoir sur vos prochaines courses. Le high-tech et l'électroménager 100% remboursé, ça, c'est une cyber bonne nouvelle. Les prix bas, c'est... Géant. Voir produits signalés en magasin, remboursement sous forme de 4 bons de réduction à valoir sur vos prochaines courses. Hé papy, c'est quoi ça ? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons pour commencer la plateforme pour le cas de Patrick Charlotte. Il a passé ses vacances en famille sur un voilier. À la fin de la location, il rend le bateau en parfait état, mais le loueur ne lui a pas restitué sa caution de 2500 euros. Et oui, parce que comment s'appelle la plateforme, ou ça devrait répondre d'ailleurs ? Elle porte ce nom, le nom du vent. Mais là, elle ne répond pas. Et j'espère bien pourtant avoir quelqu'un. Ça répondait tout à l'heure. Ils sont dans le 92, pas très loin, ça pourra faire l'objet d'un duplex. Et alors, le propriétaire, inutile de vous dire que l'on n'a pas son nom, son numéro de téléphone. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que ce monsieur, ah oui, rien que son prénom, c'est S-J-O-E-R-D. Et il faudra... Sjord. Oui, comment vous dites ? Sjord. Sjord, ça se prononce oui. Sjord. Ah oui. Vous êtes sûr ? Parce que non, franchement, S-J-O-E-R-D. Je suis sûr. C'est sûr. Bon, alors pour l'instant, la plateforme ne répond pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons tenter le coup du père François avec vous, Bernard. Donc oui. À n'importe quel moment, Patrick, il y aura la petite alerte. Et s'il le faut, nous irons faire un duplex. Tout va bien de ce côté-là. Je vous mets en attente quelques instants. Pendant que Bernard essaie d'avoir, le troisième cas va arriver. Cette fois-ci, on part dans un mobil-home avec Yelena. Quand elle arrive dans le mobil-home qu'elle a loué, c'est l'horreur. Il y a des cheveux dans l'évier, des moisissures, des cadavres d'araignées. Elle qui trouve l'endroit immédiatement mais n'a pas été remboursé. Alors il y a quelques photos que l'on commentera sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Oui, effectivement, je viens de voir des cheveux et des choses comme ça, ça ne me donne pas du tout envie effectivement de manger quelque chose tout de suite. Un cheveu sur la photo. Oui, oui, c'est dans le bac à douche. Un en fait. Cheveu ou à poil. Filement. Alerte. Nous sommes obligés de couper le disque, car priorité au cas. Que se passe-t-il ? Nous avons la plateforme en ligne. Si le vent, Julien. Et je le prends. Allô ? Bonjour, monsieur. Allô ? Alors, on branche. Allô, monsieur de Filovent ? Madame ? Madame Berthier ? Oui. Bonjour, madame Berthier. Non, je ne suis pas madame Berthier, je suis sa collègue. Ah, la collègue de madame Berthier. Bonjour. Est-ce que je peux prendre votre nom ? Je vais vous la passer, monsieur. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Et j'appelle pour un locataire qui a eu quelques petits soucis avec son voilier, Monsieur Boutet. Ok, alors, attendez une petite seconde. Je vous en prie. Bon, alors ce qu'on fait, Bernard, maintenant que le contact a été établi, vous réexpliquez la situation à cette dame, et dès que vous lui avez expliqué, du coup, on revient sur l'antenne d'RTL pour lancer la négociation. Donc Patrick, vous avez entendu, contact établi avec... Fil au vent. Loueur de voilier, visiblement. Vous êtes sur RTL, un autre monde. J'ai rêvé d'un autre monde. C'est RTL et ses téléphones. Mais nous nous sommes sur le cas de notre auditeur qui a loué un petit voilier. Patrick attend le remboursement de sa caution de 2500 euros suite à cette location. Tout à l'heure, vous nous avez fait une alerte, Bernard Sabat. Nous avions Fil au vent en ligne et c'était une assistante. A-t-elle pu vous passer quelqu'un ? Oui, le directeur commercial, M. François Lillet, qui est à votre écoute, Julien. Bonjour, M. Lillet. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour Julien. J'espère ne pas trop vous déranger. Voilà, on essaie d'aider ce monsieur qui nous a donné sa version. Maintenant, on peut évidemment écouter la vôtre. Donc, vous connaissez la version de M. Boutet. Quelle est la vôtre, monsieur ? C'est pas une. En fait, il y a aucune différence de version, je pense. Nous, on a eu des échanges avec M. Boutet et c'est un litige effectivement très malheureux qui est en train d'être traité, nous, de notre côté. On vient d'envoyer une lettre recommandée à ce monsieur Sieur de Schaff, donc de la société SailStation, qui loue des beaux voiliers, hein, des Swan. Monsieur Boutet a loué un Swan 42, et il a eu quelques soucis pendant sa croisière. Il a notamment dû avancer des réparations. Alors, ce que je tiens à préciser déjà pour commencer, c'est que nous on a remboursé les réparations qui ont été avancées par Monsieur Schaff, par Monsieur Boutet pendant sa croisière. Je pense que Monsieur Boutet pas complètement. Je vous dis ce que nous a dit sous contrôle de Monsieur Boutet, qu'il a dépensé 843,90 € et 240 auraient été remboursés. 843 €, ça m'étonne parce que lui nous a envoyé la facture en fait. Alors il y a deux factures, monsieur, effectivement. Bonjour, maître Fellonneau. J'ai une facture de 240 € qui était en fait l'objet de l'appel du réparateur. Mais entre-temps, il s'est aperçu qu'il avait pris 1000 litres d'eau, qu'il y avait eu un problème de durite qui a été réparé au même moment. Et j'ai une deuxième facture de 603,90 €. Voilà. Bon, écoutez, ça peut toujours se discuter. Il y en a une qui vient de Acastillage Diffusion, donc à Nice. Ouais. Donc là, il y a eu entonnoir série de 4, etc. Et l'autre, effectivement, l'alimentation et la fourniture. Bon. Et après, il y a la caution. Donc comment peut-on avancer dans ce dossier ? Oui, alors la caution, effectivement, nous, on a un loueur, un armateur qui fait le mort, là, pour le moment, c'est monsieur Sieur de Schaff. Donc on a été plusieurs à intervenir sur le dossier. Donc bon, ça n'a rien donné pour le moment, mais ce qui est clair, c'est que nous, on remue beaucoup ciel et terre. Moi, ma collègue Céline, qui était beaucoup en contact avec Patrick Boutet, et Guillaume Mu, qui est responsable du produit, du catalogue. Donc, si vous ce que j'essaie de comprendre, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, le propriétaire, lui, ne veut rien faire. Alors, s'il veut rien faire, je ne sais pas. En fait, il a disparu, en tout cas. Ah, il a disparu, donc, carrément. On n'a pas de retour de son côté. C'est pourquoi on lui a envoyé une lettre avec accusé de réception. Donc on saura s'il a reçu ou pas. Patrick m'a déjà dit ça il y a deux semaines. Ok, alors Céline, que voulez-vous dire ? J'avais également une question parce que sur le site internet et dans les conditions générales de vente, il est indiqué que la caution ne doit pas être encaissée. Donc si elle n'avait jamais été encaissée, on n'aurait pas eu ce problème de devoir la restituer. Et maintenant, elle a été encaissée. Non, sauf que la caution est encaissée directement par le propriétaire du bateau et non pas par Philauvent, qui, elle, se limite à encaisser la compte et le solde de la location par elle-même. Ah oui, mais pourquoi il est marqué que la caution est encaissée directement par le loueur. Attendez, dit que s'il est marqué. Est-ce qu'il est marqué, oui ou non, que la caution ne doit pas être encaissée, monsieur ? J'ose espérer que non. Pas tous en même temps. Pas Patrick. Monsieur de Philauvent. Non, c'est à moi ? Oui. Oui. non, nous, en fait, la caution peut être encaissée. Elle peut. Il y a des cas où c'est une empreinte de carte bancaire. D'accord. Il y a des cas où la caution se laisse en liquide. Il y a des cas où elle se laisse en chèque. Il n'y a pas de règle de ce côté-là. Il y a des cas où l'armateur va prendre juste une empreinte de carte et s'il y a des dégâts, demander au client de payer et juste ne pas encaisser la caution, lui de son côté. Bon. Après, il y a des cas où on va retrouver les conditions générales. Monsieur, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas laisser dire sur l'antenne d'RTL que quand on passe chez Philauvent, après on se retrouve dans ces situations-là parce que vous perdez. Vous ne savez pas où est le. Moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est que on ne laisse pas tomber les clients. On fait naviguer 12 000 personnes chaque année. Okay. On fait 3 000 locations par an. Ça, monsieur, super. Mais c'est celui-là qu'il faut régler. Allez. Non mais ça monsieur, je ne dis pas que c'est un escroc, mais évitons de parler pour ne rien dire, monsieur. Essayez de me dire, je vais marquer une pause, écoutez-moi. Je vous retrouve dans une seconde. Je suis obligé de couper, monsieur, je dois marquer une pause. On aura toute la demi-heure après pour parler avec lui. Il va juste nous dire comment Philauvent va régler ce problème. Simplement, je vous lis, et je sais que ce monsieur m'écoute, et je lui donnerai la parole. Ça sera à lui et seulement à lui de parler dans quelques instants. Il y a marqué, à quoi sert la caution ? Pour chaque location, vous devez verser une caution qui sera encaissée en cas d'avarie pour couvrir le montant de la franchise assurance et qui vous évitera de payer des réparations d'un coût souvent bien au-delà de la caution. Comment et quand pouvons-nous payer la caution ? La caution est toujours versée le premier jour de l'embarquement. Vous pouvez payer par CB. La caution n'est jamais encaissée lors de l'inventaire de départ du bateau. En revanche, en cas d'avarie, si vous êtes responsable, la caution sera débitée. Ça voudrait dire que la caution aurait servi à payer quelque chose. C'est ça qu'on ne comprend pas. A tout de suite sur RTL. Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Chin Chin Audio, c'est le deuxième appareil auditif pour 1 € de plus. Parce que tout le monde a le droit de bien entendre.

la caution. Est-ce qu'on peut se dire, monsieur de Philovent, que dans un... D'accord. Est-ce que dans un mois, Patrick, si vous êtes d'accord, un mois jour pour jour, donc juste avant Noël en fait, le 20 décembre, vous passez sur l'antenne d'RTL et vous me dites si Philovent ou non vous a remboursé. Oui. D'accord, Patrick ? Entendu, merci. Allez, beaucoup. Rendez-vous donc, monsieur, le 20 décembre de Philovent, et comme ça, on pourra voir si Philovent, effectivement... Ok. Eh bien, on fait ça. Oui, nous on s'y engage. Ça marche. 20 décembre, Patrick, de toute façon, il y aura une solution. De toute façon, on aurait fini par faire pour n'importe quel client. Oui, mais comprenez qu'à un moment donné, le client, il devient un peu impatient. Mais j'entends bien ce que vous dites, et le 20 décembre, tout le monde sera rassuré et verra que, voilà, si jamais il y a un souci avec vous, on sait qu'il sera résolu. Bernard, merci. Remercier donc François Lillet, qui a eu la transparence de tout nous raconter, de trouver une solution pour son client. Oui, bien sûr, mais évidemment, je le comprends. Allez, un dernier mot, Maître Felonneau. Alors, l'existence de cette caution, heureusement qu'elle existe pour garantir quand même le propriétaire si jamais il y avait des dégâts sur le bateau. Donc on ne peut pas, c'est pas du tout extraordinaire que d'en payer une. Le conseil, moi, que je me permettrais de donner, c'est qu'au lieu de laisser la caution entre les mains du propriétaire du bateau, il faudrait que ce soit vous qui la conserviez pour pouvoir faire un arbitrage justement sur est-ce qu'on la rend ou est-ce qu'on ne la rend D'accord. pas. D'accord, là il n'est plus là le monsieur, mais en tout cas le 20 décembre, je vous ai laissé parler parce que je ne voulais pas vous interrompre, il est reparti parce qu'il est avec Bernard. Le 20 décembre, il va nous régler notre problème. Bon, Patrick, tout va bien dans un mois, si vous êtes patient, ça devrait s'arranger. Absolument. Bon, c'était quoi comme voilier ? Un Swan 42. Oh, oui, d'accord. Bah, je comprends mieux. Bien louer un bateau, mais je prendrai pas un Swan, car il se remplit de port. On en a jusqu'au cou. De la flotte. Bon, bref. Patrick, je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous le 20 décembre. Très bonne publicité. Écoutez, le vote n'a pas eu de chance, mais les autres Swan sont magnifiques. De quoi parlons-nous dans quelques instants ? Nous allons. Ah oui, c'est des poils ou des cheveux alors, Charlotte ? Ah non, la vérité. Ah, alors là, on ne sait pas encore, il y a débat. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle du cas d'Yelena qui loue un mobilhome qui a l'air nickel d'après les photos de l'annonce, mais sur place, c'est tout autre chose, comme vous l'avez dit, moisissure, saleté, etc. Ah tiens, j'ai quelque chose à dire aux auditeurs qui, le 24, en fin de soirée, peut-être seront seuls chez eux. Il y a beaucoup de gens qui passent Noël tout seuls. Eh bien, vous savez, vers 22h par là, quand tout le monde est en pleine ébullition, ben nous, on sera là pour vous faire une émission. On va mettre de la musique avec toute l'équipe de Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, va passer Noël avec vous. Alors, si vous êtes en famille, vous pourrez mettre la radio, vous aurez de la musique festive. Et si vous êtes seul, eh bien, on partagera ce Noël avec vous le soir donc du réveillon. Ben, ça tombe bien parce que voilà une musique de Noël. C'est Katy Perry qui chante Noël. Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness, but it's magic. As soon as you hang up the mistletoe, 'cause you're the reason for the season. Cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, take the day off. Get a massage. 'Cause we've got this one all under control. A little whiskey. We're getting frisky. Ooh. And so dancing to Nat King Cole. No, we ain't stressing. Just caressing. Mm-hmm. Warming up a popsicle toes. Nothing's missing. 'Cause you're a blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for. I love is some. A cozy little Christmas here with you. I don't need anything.

Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. À 10h43 en direct, Yelena dans une seconde va nous raconter sa mésaventure en week-end, mais j'aimerais, parce que c'est bien aussi que l'on partage ce qui se passe hors antenne avec ceux qui nous écoutent, que vous nous refassiez, Maître Fellono, l'imitation de Céline Dion. Non. Que vous venez de faire à l'instant, que j'ai trouvé plutôt assez intéressant. Non. Auriez-vous pour nos auditeurs et pour Noël, pourquoi vous ne le refaites pas? C'est dommage. C'est que pour nous. Allez, peut-être qu'elle le fera pour le soir de Noël. Yelena, soyez la bienvenue. Vous êtes partie donc en week-end en mobilhome via un site internet spécialisé. Vous interviendrez, Bernard, pour nous en dire plus dans quelques instants. Yelena, combien avez-vous payé pour ce week-end? Bonjour. Bonjour. Alors, Yelena. J'ai payé 399 €. Alors, dites-moi ce qu'il y avait sur l'annonce. Alors, c'était un joli mobilhome, hein, récent, très propre. Jolie photo, en tout cas. La photo donne envie d'y aller. Dès votre arrivée, vous avez bien compris que le logement n'est pas tout à fait le même. Qu'est-ce que vous trouvez, par exemple? On a vu des photos sur le Facebook. Alors, des araignées, des fourmis, des cheveux, des poils, des sales odeurs aussi. Je suis en train de me demander, il n'y avait pas un cadavre qui traînait? Non. Mais non, parce que franchement, décrit comme ça, on a l'impression. Mais alors, vous avez bien sûr immédiatement, je suppose, il y a les odeurs aussi, demandé au responsable. Il était quoi, dans un camping, le mobilhome? C'est ça, oui. Vous avez été chercher le responsable du camping? Oui, enfin, alors, non, j'ai été à l'accueil, j'ai dit que c'était pas possible, qu'on restait pas là, qu'on voulait voir un responsable. Et ce jour-là, il n'y avait pas de responsable disponible pour nous recevoir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait du coup? Eh ben, on est reparti. Attendez, ils vous ont proposé un autre mobilhome, hein? Oui, voilà, ils m'ont proposé un deuxième mobilhome. Donc, on prend les clés, on va voir. Donc, c'est, voilà, toujours là. En fait, c'est la même chose. Il était, excusez-moi, il était dans le même état? Pareil, exactement la même chose, oui. Donc, depuis, vous avez décidé de partir immédiatement? Voilà. À l'accueil, ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter pour le remboursement. Oui. Et donc, voilà, il était 19h30, 20h. Il a fallu en urgence trouver... un autre logement. Donc, il vous a coûté, je crois, 500. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est un remboursement donc du camping, puisque vous n'êtes pas resté là-bas. Et on vous propose aujourd'hui la grande plateforme, la célébrissime plateforme, vous propose 25 € de dédommagement. Oui. Effectivement, c'est pas suffisant. Donc, il y a deux choses à voir. La première, c'est, est-ce que l'on peut parler, Maître Fellono, de publicité mensongère quand on voit cette sublime photo de mobilhome? Et ça fait rêver quand on le voit, petite terrasse, nickel, etc. Et quand on voit la réalité. Mais oui, ça fait partie des pratiques commerciales trompeuses, c'est-à-dire qu'on fausse votre consentement, on vous incite à conclure une location, en fait en vous montrant un produit qui n'a rien à voir avec celui que vous allez trouver. Donc c'est sanctionné, effectivement. C'est une énorme plateforme de réservation où des millions de gens chaque année viennent réserver différents séjours. A-t-elle une responsabilité pour vous, cette plateforme, Bernard Sabat? Oui, pour moi elle est totale, Julien. Parce que évidemment on a des sous-traitants, on l'utilise évidemment des clubs de camping, des hôtels, etc. On commercialise, on encaisse, et puis quand il faut décaisser, on propose 25 €. C'est inadmissible. Alors, Julien, ce n'est pas sans nous rappeler cette histoire de camping, oui, qui nous a d'ailleurs mené devant un tribunal, puisque nous avions un auditeur qui nous avait appelé et nous avait dit: j'ai réservé une caravane dans un camping. Quand je suis arrivé, la caravane était dans un état lamentable. C'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait envoyé des photos. On avait appelé le camping. On s'est aperçu que le camping, en fait, lui, ne faisait que louer les emplacements à un prestataire qui venait poser des caravanes, mais on avait dit quand même: madame, vous tolérez qu'il y ait des caravanes dans cet état sur votre camping? Cette dame nous a amené en justice, où elle a évidemment perdu, parce que nous vérifions les informations avant de les donner sur l'antenne. Bon, eh bien là, il va falloir donner la parole à ce camping afin qu'il nous donne sa version des faits. Oui, Bernard? Julien, je voudrais bien qu'on appelle d'abord la plateforme. C'est elle qui a commercialisé le produit et après le camping. Ça me paraît logique. Ah ben, on va commencer par la plateforme. Alors, ça vous ennuie pas, Julien? On y va, on fait la plateforme tout de suite parce que ça risque de prendre un tout petit peu de temps. Comme ça, le temps des barrages, on va pouvoir faire de la musique. D'avoir appelé booking.com. Voilà. Cet appel peut être enregistré pour améliorer la qualité de nos services. Ça marche. Merci de bien vouloir vous munir de votre numéro de réservation et de votre code confidentiel. Vous avez tout ce qu'il faut, Céline? Tout ce qu'il faut. Allez-y, c'est parti. Vous essayez de me trouver quelqu'un chez booking.com pendant que nous allons retrouver le lover. Marc Lavoine sur RTL, avec Seul définitivement, il va arriver dans une seconde. Il est actuellement en tournée avec RTL. Et nous aurons peut-être l'occasion, puisque nous avons quasiment réglé deux problèmes, de revenir sur un cas qui bloque. Le fils de Carole a eu une trottinette pour Noël, mais il n'a jamais pu l'utiliser. Elle a pris feu très rapidement après l'achat. Dis-le, Robert, qu'est-ce que ton fils fait en torche vivante? Oui, le pauvre, il l'a pris. Un an qu'elle attend.

il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, Marc Lavoine est sur RTL. Donc, j'attends que sur le cas du mobilhome qui est en très mauvais état, il y ait du nouveau. Bernard essaie d'avoir quelqu'un. Céline ? Alors, je suis avec Booking.com. Par contre, on me dit que tout ce qui est dans ce dossier est confidentiel. Il faut que Yelena fasse des mails. Et c'est ce qu'elle a déjà fait plusieurs fois. Je ris alors que j'ai les lèvres gercées. C'est confidentiel, comme si on était en train de parler d'une maladie ou d'un secret bancaire. Bernard, s'il vous plaît, essayez d'appeler vos amis de Booking.com. Oui, je vais le faire, Julien. Parce qu'ils ont quand même... Il faut quand même que toutes ces plateformes, c'est super bien qu'il y ait des plateformes maintenant de comparaison, de prix, etc., qui vous permettent, on l'a vu tout à l'heure, d'avoir un voilier ou d'avoir un petit mobilhome. Mais il faut qu'ils assument. On ne peut pas dire aux gens, venez sur Booking pour choisir votre camping. Regardez, on a une belle photo de mobilhome et quand vous arrivez sur place, il est en mauvais état. Et après, bon, mais tiens, on va te donner 20 balles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut assumer. Vous prenez aussi une commission, je pense, sur la location. Donc, attention quand même, vous voyez bien que les photos que vous voyez... toujours, par définition, ne correspondent pas forcément à la réalité. Alors, je voudrais qu'on prenne des nouvelles de la trottinette. Carole était très triste, pourquoi ? Parce que la trottinette qu'elle a offerte à son fils pour Noël s'est enflammée dès la première utilisation, elle n'a jamais pu s'en servir. Et nous avons donc Carole, je crois, qui est en ligne avec nous. Carole, nous avons appelé le site devant vous. Où en êtes-vous, s'il vous plaît, avec eux ? Alors, bonjour Julien. Donc, à la fin donc, de l'émission, j'ai contacté le monsieur. Il m'a fait un retour par SMS en me garantissant qu'il allait voir avec son fournisseur pour se faire dédommager. Moi, aujourd'hui... Non. Alors là, je vous arrête tout de suite. Ce monsieur, s'il nous écoute, c'est vraiment pas très sérieux. Ce n'est pas au fournisseur de le dédommager. Elle est passée sur votre site, monsieur, qui est homeloisir.fr. On est bien d'accord. Homeloisir.fr, au bout d'un an, n'est toujours pas capable de réparer, d'avoir un service après-vente pour une trottinette qui, entre parenthèses, a pris feu avec un gamin dessus. Donc, c'est lui qui fait un chèque et après, il voit avec son fournisseur. Sinon, il ne faut pas aller sur homeloisir.fr. Ça veut dire que c'est une cata. Alors, fournisseur, en fait, c'était intéressant. Attendez, allez-y vite, Carole. Alors, c'est ce que je lui ai proposé. Il m'a dit, laissez-moi une semaine. Alors, bon. J'ose espérer qu'il ne va pas prendre... Ok, mais dans une seconde, Martine Danbé, car c'est elle la gérante et c'est elle qui se retrouvera devant un tribunal si vous allez avec demandezjustice.com, Martine Danbé, c'est elle qui sera assignée. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer un client comme ça. Moi, je dis, faites très attention et que ce monsieur prouve à tous ceux qui nous écoutent qu'il gère mieux les conflits au bout d'un an. Alors, effectivement, d'abord, c'était intéressant qu'il contacte le constructeur pour obtenir une nouvelle batterie. Il faut juste changer la batterie. Non, mais là, il faut qu'il rembourse. Ça fait un an, mais il aurait déjà fait. Il la rembourse, il fait un chèque, elle en achète une. Bien sûr. Il m'a dit, même lui est d'accord. D'accord. Ok. Donc, si dans une semaine, il n'y a pas de batterie, on se permettra, d'envoyer votre dossier à demandezjustice.com, et puis on invitera tout le monde à faire très attention avant de commander chez homeloisir.fr. Je suis en attente pour le cas de Yelena. Ah, ça sonne, Julien. Alors, vous récupérez parce que c'est la fin de l'émission. Demain matin, Yelena, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes prioritaire pour le mobilhome. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trottinette? Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, la trottinette. La trottinette prenait feu, ça nous brûlait un peu. Et donc, nous nous retrouvons dans une seconde sur RTL. On en parle. Le recyclage, c'est l'affaire de tous. On en parle avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et Kamel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en environnement et matériaux. D'abord, recycler, ça sert à quoi ? Recycler, d'abord, ça sert à donner une nouvelle vie à la matière. Concrètement, recycler, c'est retourner aux matières premières pour fabriquer un nouveau produit. Donc, on crée une boucle de recyclage au lieu de produire, consommer et jeter. Exactement. Utiliser des matières recyclées, ça épargne des ressources naturelles. On économise aussi d'importantes quantités d'énergie. Donc, le recyclage préserve l'environnement. Le recyclage, c'est donc la seule façon de faire de nos déchets des ressources. Ah bah non. Non ? Non, bien sûr. D'abord, si l'objet ou l'appareil est encore en bon état, ou s'il est réparable, on peut le réutiliser. Mais si on ne peut ni recycler, ni réutiliser ? Bah, on produit de l'énergie avec. Ça sert à éclairer et même à chauffer des logements. Bref, réutilisation, recyclage ou valorisation énergétique, l'objectif, c'est de ne plus rien mettre en décharge. Merci Kamel. Plus d'infos sur ensemblerecyclons.fr. Leclerc. Maman, qu'est-ce que tu fais avec mon jambon ? Je regarde. Jambon cuit supérieur sans coin, tradilège de marque Repère, porc français, né, élevé et transformé en Bretagne. Et avec 50% de ticket Leclerc. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 27 novembre au 8 décembre, le paquet de 6 tranches de jambon supérieur tradilège de marque Repère de 270 grammes origine France est à 2,92€, soit 10,81€ le kilo. Avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Un régal. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Samedi soir, je suis au Casino d'Anguin pour le One Man Show et vous allez voir que ça va être grandiose ce samedi soir au Casino d'Anguin-les-Bains. Bonjour mon Stéphane. Bonjour cher Julien. Je suis, c'est un peu comme au Casino d'Anguin, mais nous avons José Garcia avec génial. Nous ce matin. Eh oui, on va parler de Lola et ses frères, formidable film de Jean-Paul Rouve. On va en parler dans À la bonne heure. Eh bien, on va écouter ça. C'est en direct avec Stéphane. À tout à l'heure, Stéphane. À tout à l'heure. Merci, Julien. Merci à toutes les équipes. Demain matin, nous revenons sur tout ce qui a bloqué. Mais il y a déjà deux cas, notamment l'épicerie fine et le voilier qui devraient trouver une bonne résolution d'ici quelques jours. What's the sense in sharing this one and all?